Pendant les journées All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Sillonnez la ville avec l'Audi A1, appréciez le dynamisme de l'Audi Q2, admirez le design audacieux de l'Audi Q3 et la polyvalence de l'Audi Q5. Jusqu'au 16 octobre, profitez d'offres exceptionnelles sur le financement, l'entretien et la garantie sur ces modèles en quantité limitée et disponibles immédiatement. Offre réservée aux particuliers, voir détails et conditions sur Audi.fr ou chez votre partenaire Audi. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Que ne suis-je mort avant? Que ne puis-je naître après? C'est l'âge de fer qui règne maintenant. Les hommes ne cesseront ni de travailler et de souffrir pendant le jour, ni de se corrompre pendant la nuit. Les dieux leur enverront de terribles calamités. Jupiter détruira cette race d'hommes doués de la parole lorsque, presque dès leur naissance, leurs cheveux blanchiront. Le frère ne sera plus chéri de son frère. Les enfants mépriseront la vieillesse de leurs parents, les cruels. Ils les accableront d'injurieux reproches sans redouter la vengeance divine. L'un ravagera la cité de l'autre. On ne respectera ni la foi des serments, ni la justice, ni la vertu. On honorera de préférence l'homme vicieux et insolent. L'envie, au visage odieux, ce monstre qui répand la calomnie et se réjouit du mal, poursuivra sans relâche les hommes infortunés. Alors la pudeur et Némésis, enveloppant leurs corps gracieux de leurs robes blanches, s'envoleront vers les célestes tribus et abandonneront les humains. Il ne restera plus aux mortels que les chagrins dévorants et leurs maux seront irrémédiables. Bonjour Anne Mercker. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Et les matins comme ça, on commence avec Carmina Burana et Hésiode. J'ai lu un extrait des Travaux et des Jours, le texte d'Hésiode qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ. L'histoire relate la distinction mythologique qui opérait dans l'Antiquité et surtout la succession des diverses races d'hommes. Il y a 5 âges distingués par Hésiode, l'or, l'argent, l'airain, les héros et l'âge de fer. Et à mesure que ces âges et ces races succèdent, eh bien la démesure, le terme grec c'est l'hubris, apparaît. Et là dans le texte que je viens de lire, eh bien les hommes dans l'âge de fer visiblement sont complètement emplis de cette démesure, comme s'il y avait une histoire de ce concept. Oui, donc c'est ce mythe très célèbre et très marquant que vous avez lu, enfin une partie de ce mythe qui va être fortement repris dans la philosophie, en particulier par Platon, qui fait très souvent référence à ces mythes et à ce mythe-là et qui le réinterprète à sa manière. Et c'est un mythe d'une dégradation en fait, hein, une dégradation, c'est-à-dire c'est l'inverse de tout progressisme. Au contraire, les générations humaines vont vers le pire à partir d'une origine plus proche du divin. Et ce passage très sombre que vous avez illustré musicalement aussi, ce passage très sombre, je n'ai pas le texte grec précis en tête, mais c'est probablement derrière la traduction avec l'adjectif insolent qu'on a la notion d'hubris, hein, avec l'adjectif hubristesse. Et donc, en tout cas, l'idée de hubris traverse en filigrane ce passage. Et il faut bien noter que ça prend place non pas dans la théogonie, mais bien dans les travaux et les jours. Et ce texte, poème, qu'on appelle parfois didactique, mais enfin ce poème d'Hésiode, est une sorte d'injonction et d'éloge de la régularité, donc de la manière dont le rythme humain doit se caler sur le rythme des jours de l'année, donc aussi un certain rythme cosmique. Et ça ne me paraît pas être un hasard que justement apparaisse ce mythe des races, et avec la dernière race, la pire, qui est la nôtre, la race de fer, avec cette insolence, cette absence de toute pudeur. Finalement, la pudeur Aidos est l'exact au contraire dans ce texte-là de l'Hubris. Et le travail d'Hésiode, si je puis dire, à travers son poème, c'est un poème très volontaire en réalité, hein, qui ne s'enferre pas dans une sorte de pessimisme de la race de fer, mais qui enjoint, sous la forme d'un poème adressé à son frère, qui enjoint de réaliser les travaux humains en harmonie et dans un rythme qui est donné par la nature, par l'ordre cosmique. C'est-à-dire que plus l'homme s'éloigne de Dieu, plus il sombre dans la démesure. Ah ben, la démesure est la marque de sa finitude, de son humanité. Oui, mais alors là, vous mettez exactement le doigt sur la grande difficulté de la notion du bris. C'est qu'on peut dire que plus l'humain s'éloigne de Dieu, des dieux. Plus il entre dans la démesure, mais on peut se demander s'il y aurait de démesure sans représentation religieuse. Et la notion du bris, puisque c'est celle-là dont nous parlons pour l'instant, que nous distinguerons peut-être un petit peu tout à l'heure de la notion d'excès, qui est plus simple, on va dire plus rationaliste, plus quantitative. La notion d'hubris est une notion terriblement obscure, terriblement chargée, terriblement riche. Et ces commencements, pour autant qu'on arrive à les discerner, ont certainement une dimension extrêmement religieuse. C'est-à-dire, c'est la transgression par rapport à un rituel, par rapport à un respect qui est dû au sacré, et peut-être même plus largement qu'aux dieux. Et cette notion d'hubris, c'est déjà la transgression de quelque chose de sacré, et donc dans le sacré, il y a aussi la relation aux dieux. Donc peut-être bien qu'il ne peut pas y avoir d'hubris s'il n'y a pas déjà une relation aux dieux. C'est pour ça que je tempérerai un peu dialectiquement. C'est le cas de le dire. Et de même, il faut ajouter que l'hubris, enfin les dieux ne sont pas étrangers eux-mêmes à l'hubris. Voilà, en plus. Mais alors les dieux, de toute façon, dans l'Antiquité, sont d'abord le miroir des travers humains. Et effectivement, une des premières figures de l'hubris, c'est dans la Théogonie d'Hésiode, ce sont les titans. Hein, ce sont les titans qui se rebellent et qui contre les dieux olympiens et donc qui ont cette volonté de transgresser l'ordre du ciel, hein, en quelque sorte. Donc les dieux sont presque des personnifications des travers humains ou parfois de leurs qualités, pour autant que le poète veuille bien leur en reconnaître. Mais ce qui est vraiment intéressant avec cette notion d'hubris, c'est que en fait, si on cherchait à en produire une définition, comme certains historiens ont pu le faire, bon, je pense à un historien maintenant qui a écrit un peu daté, si l'on veut, mais qui a beaucoup marqué les études historiques, c'est Louis Gernet. Louis Gernet, quand il cherche une définition de l'hubris, il finit par dire il n'y aura pas, on ne trouvera pas de définition de l'hubris. Mais il en trouve les sources obscures à l'intérieur d'une pensée qu'on peut dire religieuse et magique. Ce qui est intéressant, c'est que cette notion pourtant confuse et qui recueille en elle, qui contient en elle quelque chose qui est de l'ordre d'une force obscure, d'une force transgressive, cette notion-là est suffisamment riche et suffisamment prégnante dans, on va dire, l'imaginaire collectif ou la pensée collective pour avoir essaimé ensuite, non seulement dans la philosophie, mais aussi dans l'ordre juridique. Et l'hubris est allé jusqu'à désigner une catégorie juridique, donc avec une procédure, on peut dire rationalisée, etc. Mais l'hubris conservera toujours, même rationalisé dans le droit, quelque chose d'un peu indéfinissable. À l'intérieur du droit, on se met à la traduire par le terme d'outrage. Voilà. Alors que, bon, on ne va pas forcément traduire ça comme ça quand on trouve hubris chez Hésiode ou chez Homère. Mais c'est l'outrage. Mais qu'est-ce que c'est exactement que cet outrage ? Certes, il y a matériellement une atteinte au corps de la personne, mais c'est plus que ça. Et on en trouve une approche chez Démosthène, donc bien après Hésiode, hein, puisqu'avec Démosthène, on est au 4e siècle, mais on est déjà à l'époque d'Aristote. On en trouve une approche dans un texte célèbre qui s'appelle le Contre-Midias, où Démosthène dit c'est impalpable, pas ce mot-là exactement en grec, mais c'est impalpable, c'est pas les coups, c'est pas exactement les coups, c'est la manière de donner les coups, et en fait, en réalité, c'est la volonté d'humilier. Et Aristote va donner, lui, pour le coup, une définition de l'hubris dans la rhétorique, au livre 2, chapitre, ça doit être le chapitre 2, une définition de la rhétorique en disant c'est une forme de dédain qui ne vise pas autre chose qu'une forme d'humiliation, une forme de rabaissement pour le pur plaisir et pas pour obtenir, je sais pas, de l'argent ou obtenir qu'on cède à une demande, etc. Et il ajoute, et c'est là qu'on commence à tourner un peu vers l'excès et la supériorité, et il ajoute les gens qui commettent cet acte d'hubris, ils le font parce qu'ils trouvent là le plaisir que donne la supériorité. Ils affirment la supériorité. Et de là, on retrouve cette notion d'excès au sens où, par l'hubris, on va essayer de prendre une position surplombante qui est donc en excès par rapport à la position, on va dire, normale, et alors surtout en contexte démocratique, une situation égalitaire, mais on rejoint là la notion d'excès et donc aussi la notion de pléonexie, de recherche indéfinie de ce qui est en plus, etc. Mais c'est là que se nouent, en fait, dans la philosophie, ces deux notions d'hubris, d'outrage, mais aussi d'excès, de surplomb par rapport à autrui. Alors avant d'en arriver au contexte démocratique dans la Grèce antique, et avant d'en arriver à la distinction entre hubris et excès, vous avez prononcé le terme d'outrage. Il s'applique merveilleusement bien à Achille dans l'Iliade d'Homère. Absolument. Achille qui refuse de rendre le corps d'Hector, qui est mort parce que celui-ci a tué son meilleur ami Patrocle. Écoutez-le. Mets-toi à genoux. Je mourrai debout. Tu mourras à genoux. Achille. Il demande à nouveau qu'on le rende. Tu n'as qu'à trouver les mots pour qu'il comprenne ma grande douleur. Explique-leur mon immense colère et qu'il n'est pas question qu'ils récupèrent leur corps. Hector est l'unique responsable de ce qui lui est arrivé. Sa mère réclame le droit de l'incinérer, comme tu as fait incinérer Patrocle. Pourquoi Patrocle portait-il ton armure ? Parce que je refusais d'aller combattre. Et au nom de quoi ? Du roi. Agamemnon m'a volé mon butin. Il faut posséder un orgueil démesuré pour ne rien faire lorsque le monde autour de soi s'écroule. Patrocle voulait que nous fassions notre devoir. Je lui avais pourtant dit d'y renoncer, mais il y est allé. Il était humain. Si j'avais été humain, il serait encore à mes côtés, non ? Et j'aurais toujours mon fils. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, vous écoutez Achille qui refuse de rendre le corps d'Hector à Priam, en compagnie d'Anne Marker, qui est professeure de philosophie spécialisée en histoire de la philosophie ancienne, notamment d'Aristote et de Platon, auxquels on va venir dans un instant. Mais vous avez défini l'hubris aussi dans sa dimension juridique. Ce qu'on entend dans cet extrait, c'est que l'hubris, c'est peut-être aussi l'expression d'un orgueil démesuré, on entend la formule. Oui, tout à fait, l'orgueil démesuré. Alors là aussi, j'ai pas le texte grec sous les yeux, mais il y a. Ils sont là, c'est une série diffusée sur la BBC et sur Netflix. Oui, mais ils ont dû quand même prendre une traduction. J'imagine. Grec, oui. Peut-être qu'ils ont travaillé avec le grec dans le texte. Oui, à voir. Peut-être, allez savoir. Et moi, j'entends plein d'autres termes qui sont liés à Tastalos, etc. Des trucs très, très, très, très forts. Et en fait, Achille est une grande référence pour l'hubris. Je me permets de repartir d'Aristote, même si on fait un peu des bonds dans les siècles là, mais Aristote, dans le même passage de la rhétorique, dit ce sont surtout les riches et les jeunes qui sont des hubristai, c'est-à-dire qui commettent l'hubris, donc cet outrage qui permet de prendre le dessus sur quelqu'un et de sentir sa supériorité. Et Achille est un héros très jeune, il faut jamais oublier, il est jeune et il est effectivement excessif parce que incontrôlé aussi d'une certaine manière, il ne se contrôle pas lui-même, il n'a pas encore cette modération à laquelle nous serons obligés de venir à un moment. Il éprouve tous les sentiments, je dirais, dans la violence de sa jeunesse. Donc il a lui-même, il considère qu'il a été outragé par Hector, qui au début, au chant 1, lui a enlevé sa part d'honneur, qui était une femme. Bien sûr, les femmes font partie du butin, donc ce sont des choses qu'on échange et qu'on donne. Bienvenue à l'époque archaïque. Et donc il y a eu des difficultés, voilà. Hector lui a pris sa part d'honneur parce que Hector perdait lui-même sa part d'honneur. Et Hector, c'était l'homme le plus âgé qui a un ascendant sur toute la troupe des Achéens. Donc lui-même déjà se ressent comme victime d'hubris et il est cité par Aristote dans le passage justement. Il m'a humilié, il m'a déshonoré, etc. Aristote cite un vers très très important de l'Iliade et lui-même éprouvant tous ses sentiments de manière démesurée, a une amitié là aussi très célèbre pour Patrocle, sur laquelle l'Antiquité elle-même a beaucoup glosé pour savoir si c'était une amitié pédérastique ou non. Et la mort de Patrocle, évidemment, déchaîne en lui une volonté de vengeance qui ne pourra s'assouvir qu'avec un nouvel outrage qu'il va opérer sur le corps d'Hector. Et on remarque là il y a vraiment outrage, outrage du corps, c'est-à-dire c'est pas seulement le fait de maltraiter le corps, de le traîner derrière le char, etc., mais c'est vraiment dans cette volonté d'affirmer sa supériorité par rapport à un cadavre. Et on retrouve la dimension religieuse et la dimension du sacré. Parce que les corps, les cadavres, relèvent déjà du sacré, on leur doit on leur doit un certain nombre de rites funéraires et le fait de les en priver est un acte extrêmement fort. Donc il y a aussi la transgression dans la manière dont les Grecs se faisaient la guerre. Ils étaient d'une violence inouïe. Je le dis souvent à votre micro. Il faut pas croire que notre époque est la plus violente de toutes les époques. Elle a juste des moyens militaires plus puissants, mais plus violente, je n'y crois pas trop. Il suffit de lire ces textes, d'ailleurs. Il suffit de lire ces textes. L'Iliade, c'est un poème de la force, comme dit Simone Veil. C'est un poème de la violence, un poème de la mort. C'est d'ailleurs, d'une certaine manière, fascinant pour cela aussi, cette manière de parler de la violence de cette manière. Là, il y a transgression d'un élément sacré qui est opéré par Achille et fait presque une sorte de délectation de la part, donne une délectation au poète. Si le poète en parle aussi longtemps, c'est bien parce que il y a des auditeurs pour entendre cela. D'où la crainte exprimée par Platon, d'ailleurs, à l'égard de la force des poèmes et d'Homère en particulier. Absolument. La force d'Homère, la rivalité que Platon a avec Homère est évidemment une rivalité concernant l'influence sur les âmes, la psychagogie, la manière dont les âmes sont conduites. C'est une rivalité d'éducateurs. Comme il le dit très bien dans la République 10, où il rapporte le témoignage des gens qui disent Homère a été l'éducateur de la Grèce. Et donc, le philosophe qui est Platon, pour qui il n'y a rien de plus important que l'éducation, dans le fond. L'éducation en un sens politique et réciproquement, la politique a un sens éducatif. La rivalité, elle est d'abord là. Et effectivement, ces tableaux de démesure, ces tableaux d'outrage qui font écho à des choses profondes en nous. C'est pas juste un truc grec qui ne concerne plus que les Grecs, mais cette volonté d'outrage, cette volonté de supériorité, de transgression de quelque chose de sacré dont on a conscience. Et justement, c'est parce qu'on a conscience que peut exister la transgression et l'outrage et l'hubris. Donc, je reviens aussi à ce qu'on disait au début. S'éloigner des dieux, oui, mais enfin, c'est en étant tout près du sacré qu'il peut y avoir l'outrage. Platon et Aristote sont-ils héritiers d'Homère et d'Hésiode dont on vient de parler ? Parce qu'on est quand même au moins 4 siècles plus tard. Oui, héritier d'Homère et d'Hésiode. Par rapport à cette question. Alors, ils en sont imprégnés, ça certainement, et imprégnés avec un contexte, enfin en vivant dans un contexte démocratique qui change quand même un certain nombre de choses, puisque là nous avons en fait eu deux textes qui est de l'époque, on va dire, héroïque, avec un justement... des héros qui ne sont pas le commun des mortels, même si eux-mêmes sont mortels ou sont entre les deux, mais Achille n'est pas le simple commun des mortels. Et donc, finalement, le héros chez Homère n'est jamais très loin de l'hubris, du simple fait que la notion même de héros implique cette forme de supériorité et cette forme de joute permanente, d'agone permanent, dans lequel on va prouver sa supériorité sur l'adversaire, sur autrui. Ce qui veut d'ailleurs pas dire qu'il n'y a pas de règles. Et encore une fois, comme il y a des règles du combat, de la joute, etc., quand on les transgresse, ça a une signification très particulière. Donc le contexte démocratique dans lequel évolue la philosophie classique, qui est celle de Platon, quand bien même Platon est un aristocrate, mais de toute façon... N'oublions jamais que la démocratie grecque a été fondée par des aristocrates. Elle a été fondée, fabriquée, enfin établie, instituée. Clisthène et Solon sont de grandes familles aristocratiques. Ce sont les pères de la démocratie athénienne. Donc tout ça est tout petit peu plus compliqué que d'opposer voilà des démocrates à des aristocrates. Mais Platon, tout aristocrate qu'il est, vit dans ce contexte démocratique où, dans le fond, il va avoir une réinterprétation éthique de la notion d'aristocratie, ce qui fait qu'elle est plus incompatible avec la démocratie. Alors je m'explique en deux mots, puisqu'on dit toujours que Platon est hostile à la démocratie, oui, de fait, mais il est surtout hostile au mauvais chef de la démocratie, et pour autant il n'est pas partisan de l'aristocratie au sens que les bien-nés, ce que les Grecs appellent les bien-nés, ce que nous on dirait les nobles, c'est-à-dire qui ont une ascendance et qui se sont juste donné la peine de naître dans telle ou telle famille, il n'est absolument pas partisan que ces gens-là aient le pouvoir, puisque pour lui, le pouvoir repose sur le savoir. Le pouvoir, savoir, ça fonctionne ensemble. Et donc, ce que lui va appeler l'aristocratie, c'est une aristocratie morale et une aristocratie épistémique. Une aristocratie du savoir, une aristocratie du savoir et donc de l'éthique. Donc d'une certaine manière, à la limite, tout le monde est apte. Maintenant, tout le monde ne réussit pas à devenir philosophe, même si, idéalement, tout le monde devrait devenir philosophe. Mais est-ce que tout le monde est capable effectivement de l'être? Comme dit Platon dans la République, il y a des gens qui baillent dès qu'on leur apprend, dès qu'on leur fait un cours de quelque chose. Et puis surtout, il faut au moins 50 ans pour y parvenir. Et en plus, Platon, il faut au moins 50 ans, donc il faut être patiente. Mais le propos donc platonicien, c'est malgré tout que la philosophie et la politique, d'une certaine manière, en droit, c'est l'occupation de toute âme. Et même s'il y a toujours cette exigence qu'on pourrait qualifier d'élitiste ou d'aristocratique, c'est une aristocratie du mérite éthique et du mérite intellectuel. Et dans ce cadre-là, toute ascendance, toute supériorité qui peut être prise, même si Platon l'appelle aristocratique, l'exercice du pouvoir, le fait d'occuper une position de supériorité dans la cité, elle repose sur quelque chose d'éthique, et à l'intérieur de l'éthique, il a intégré entièrement une notion d'harmonie qui, évidemment, essaye d'évacuer au maximum toute recherche de l'excès et toute recherche d'hubris. Alors, on va écouter un texte de Platon, le livre 9 de la République, dans lequel il prend un exemple, l'homme du peuple, comment un homme qui est élevé d'une certaine manière peut changer de cap et changer de tempérament, comment peut-il devenir, de passer de modéré ou tempéré, vous nous préciserez les termes ensuite, à excessif. Cette image est très importante pour Platon parce qu'on peut la transposer au régime politique. Comment passe-t-on de la démocratie à la tyrannie? Rappelle-toi comment nous avons présenté l'homme du peuple. Il s'était développé, pourrait-on dire, de cette façon. Il a été élevé depuis son enfance sous la férule d'un père parcimonieux qui n'accordait de valeur qu'aux désirs conduisant à la richesse et qui méprisait les désirs non nécessaires parce qu'ils relèvent de la frivolité et de la pure coquetterie. Porté à fréquenter des hommes plus raffinés et en proie aux désirs, il s'est livré à tous les excès et s'est lancé dans le genre d'existence de ses amis par aversion pour la parcimonie de son père. Doué cependant d'un naturel supérieur à celui de ses corrupteurs, écartelé entre deux tendances, il avait adopté une position intermédiaire entre les deux genres de vie. Empruntant à l'un et à l'autre d'une manière qui était, de son point de vue, mesurée, il menait une existence qui n'était ni servile ni déréglée, et c'est de cette façon que, d'oligarchique, il était devenu partisan du peuple. Suppose qu'il lui arrive les mêmes choses qu'à son père, qu'il soit entraîné à un total dérèglement que ceux qui l'entraînent désignent sous le nom de « liberté complète ». Suppose encore que son père et aussi le reste de sa parenté viennent soutenir ses désirs qui tiennent la position intermédiaire, tandis que les autres apportent un soutien opposé. Dès lors, quand les autres désirs bourdonnant autour de lui, ses désirs imprégnés des fumées de l'encens et de la myrrhe, des parfums des guirlandes de fleurs, des effluves de vin et de tous les plaisirs dissolus qui sont le propre de ce genre de compagnie, le font grandir et le nourrissent jusqu'à cette extrémité où ils vont planter dans ce faux bourdon l'aiguillon du désir, alors ce grand chef de l'âme, en proie à la folie, réclame son escorte et bondit frénétiquement. Lui arrive-t-il de trouver dans cet homme certaines opinions ou certains désirs possédant encore quelques valeurs et conservant toute pudeur? Il les extermine et les expulse hors de lui, jusqu'à ce qu'il ait purgé son âme de toute modération et l'ait emplie d'une folie qui l'aliène. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. Ce matin, en compagnie de la philosophe Anne Mercker, nous parlons de l'hubris dans l'Antiquité et vous venez d'entendre un texte de Platon lu par Daniel Mesguich. Avant de le commenter, Anne Mercker, vous nous l'aviez promis, on a entendu le terme dans le texte, excès. En quoi est-ce que l'excès n'est pas exactement l'hubris ? Alors, là encore, mon bonne philologue, je n'ai pas le texte grec sous les yeux, donc je commente une traduction. Donc, si le terme excès ici ne traduisait pas hubris, avec la notion d'excès, disons, elle est simplement moins touffu, c'est plus lisse. L'excès, c'est une notion, on va dire, quantitative. Voilà. Le mot d'excès, je pense à hyperbolé, mais il peut y avoir d'autres termes là dans le texte de Platon, ne va pas drainer avec lui toute cette idée de transgression du sacré, ou d'outrage, ou de relation à autrui qui est surplombante, etc. C'est ça qui est un petit peu différent, et ça devient surtout parlant chez Aristote, pour tout dire, cette différence-là, à mon avis, où Aristote a une appréhension assez rationaliste de la notion d'excès. On pourra y revenir tout à l'heure. Pour ce texte-là qui est très riche, l'homme du peuple, hein, c'est en fait l'homme démocratique, mais il doit y avoir le terme démotikos dans le grec, donc les traducteurs évitent le mot démocratique parce que il n'y a pas exactement ce terme-là. L'homme du peuple, on remarque que par rapport à ce que vous avez lu chez Hésiode, le mythe des races, etc., on est à nouveau dans la même configuration dans ces passages de la République, c'est-à-dire à nouveau une dégradation. On est parti de la cité la plus parfaite possible, et ensuite qui s'appelait l'aristocratie ou la royauté. Ensuite, on est passé à la timocratie, et ensuite on est passé à l'oligarchie, qui est le règne de la richesse. Et ensuite, là, on est en train de passer à la démocratie, qui est le dernier pas avant la tyrannie, n'est-ce pas? Et dans ce schéma platonicien. Et donc on a ce schéma de dégradation qui est un schéma qu'on retrouve très très souvent chez Platon, qui correspond à, on pourrait dire, sa philosophie de l'histoire, hein, que l'origine est toujours supérieure. Ce sont les commencements qui sont les plus grands, les commencements qui sont les plus divins. On retrouve ça un peu aussi dans le mythe de Chronos, de l'âge de Chronos, avec, dans le politique, avec l'inversion de la rotation de la Terre. C'était plus fort, plus grand, plus divin. C'était mieux plus avant. Beau. C'est pas exactement ça. C'est pas une forme de nostalgie. C'est vraiment une position qui est de l'ordre de la métaphysique et non pas simplement le. Non, mais qui a pu engendrer cette oui, ce qui peut engendrer ça. Mais Platon, pour les choses se dégradent. Ouais, mais pour le coup, Platon n'est pas sujet à cela parce qu'il fait une telle critique des hommes politiques du 5e siècle que je crois que non, il trouve que c'était pas mieux avant. Le avant est vraiment très très très avant. Voilà, si je puis lire. Donc on a déjà ce schéma-là, et ce qui est très intéressant dans ce passage, ça n'étonnera pas les gens qui connaissent Platon, c'est l'irruption non seulement des désirs, puisque c'est ça, l'homme démotique ou l'homme du peuple, comme dit le traducteur, l'homme du peuple, c'est celui qui est né d'un père qui a amassé beaucoup d'argent, mais sur le mode un peu de l'avarice, c'est-à-dire j'accumule de l'argent, mais surtout je le dépense pas. Voilà, mon plaisir est dans la possession de l'argent, et surtout frugalité, voilà, c'est la figure du riche frugal. Et comme on dit à père, comment on dit là, tel père tel fils. Non, à père avare fils prodigue. Ah oui. Il y a tout dans les dictons, hein. On peut trouver le contraire et son inversion. Donc à père avare fils prodigue, c'est ça. En fait, le père avare c'était l'oligarchie et le fils prodigue maintenant c'est le jeune homme démocratique. Bon, qui a envie de jouir de la vie, c'est un peu jouisson sans entrave, mais gentiment, hein, sans entrave. Mais on n'est pas encore dans. On n'est pas encore dans la tyrannie, mais on commence à la sentir pointer son nez. Et le nez de la tyrannie, si je puis dire, si vous me permettez cette image, c'est Eros. Et Platon identifie, donc il y a des désirs, évidemment, le fils prodigue, il a plein de désirs, mais il y en a un particulièrement, c'est Eros. Chez Platon, on sait que Eros, c'est toujours beaucoup plus que les questions sexuelles. C'est les questions sexuelles, mais ça a toujours une portée métaphysique. S'il y a une telle puissance du désir érotique, c'est, selon les analyses du banquet, parce que la nature est mortelle et qu'on aspire finalement à persévérer dans la possession de quelque chose qu'on trouve bonne et qu'on veut avoir à soi pour l'éternité. Donc il y a une sorte de puissance métaphysique de Eros qui joue à l'intérieur même du corps. C'est-à-dire le philosophe a une conscience métaphysique de la dimension métaphysique de Eros, d'accord, mais le corps, il éprouve, en fait, sans savoir de quoi le corps avec l'âme. Hein, évidemment. Ou le terme de désir, en voilà, fait. Le terme de désir et cette attraction qui peut dépasser toute limite. Et en fait, Eros devient le désir qui commet l'hubris par excellence. Et je reviens à cette dimension juridique de l'hubris. C'est un des termes qu'on trouve dans les textes grecs pour énoncer avec une certaine pudeur le viol. Et donc derrière l'hubris, Platon identifie avec, à mon avis, beaucoup de justesse qu'il y a un motif ou une racine toute particulière de l'hubris, ou en tout cas qui porte cette hubris à son plus haut degré, c'est Eros. Et là, le tableau qui est magnifique, hein, le tableau dans l'âme, avec tous les désirs qui vrombissent autour, comme des bourdons. Les guirlandes de fleurs, les effluves de vin. Etc. Et en fait, c'est là, on a déjà la naissance du tyran, là, on a déjà le germe du tyran. Le tyran, c'est quand cet Eros-là, ce désir-là, qui emporte avec lui toute cette puissance métaphysique que j'ai dite, cet Eros-là fait tourner tout le reste autour de lui. Fait tourner tout le reste autour de lui, qui d'ailleurs l'alimente et prend aussi plaisir à l'alimenter. Et là, on va finir par dépasser toutes les bornes. Et ces bornes sont dépassées, Platon en fait le tableau dans le début du livre 9, dans les deux premières pages du livre 9 de la République. Et c'est là que va naître vraiment le tyran. C'est quand on dépasse même les limites qui sont fixées par la loi, et la loi écrite ou non écrite. Et là, Platon parle d'Eros incestueux. Hein, et donc, il y a là aussi transgression d'une limite sacrée. Donc, le terme d'hubris s'applique au tyran. D'une certaine manière, on peut dire autant chez Homère, Achille est une figure exemplaire de l'hubris, autant chez Platon, c'est le tyran qui devient la figure exemplaire de l'hubris. C'est ce qui est décrit dans Les Perses, la pièce d'Achille. D'une certaine manière, D'une certaine manière, alors là on revient historiquement un petit peu en amont, et les Grecs ont toujours bien aimé définir leur adversaire, comme tous les peuples le font d'ailleurs, et ils ont toujours bien aimé caractériser la Perse et le grand roi comme étant une figure de démesure. Figure de démesure, une figure d'outrance, si ce n'est d'outrage. Et on trouve dans... Alors, vous parlez des Perses d'Eschyle, hein, où effectivement, il y a une allusion à la démesure perse. Et on le trouve déjà chez Hérodote, qui fait le récit donc des guerres médiques et de l'invasion de la Grèce par les Perses, enfin, tentative en tout cas. Et Hérodote nous dit, mais le grand roi de Perse a prétendu marcher sur la mer et naviguer sur la terre. Alors là, l'hubris renverse les éléments, vous voyez, il renverse l'ordre cosmique des éléments. Alors, par rapport à notre propre époque, si on applique Hérodote, nous sommes dans une époque d'hubris, mais alors absolument une démesure de la démesure. Puisqu'en fait, cette hubris perse, ça consistait à faire un pont en bois sur un bras de mer et à percer un isthme, à percer une bande de terre pour faire naviguer, pour faire passer une sorte de grand canal en quelque sorte. Mais donc par rapport aux réalisations que nous avons aujourd'hui, aux ouvrages d'art, etc., c'est pas grand-chose dans le fond. Mais le grec aime beaucoup se représenter le perse comme vraiment le vecteur de l'hubris qui va bouleverser l'ordre cosmique, l'ordre naturel. Et lui, le grec, face aux barbares, face à la démesure barbare, le grec incarne la mesure. Alors, on va écouter un extrait des Perses d'Eschyle avec cette figure du barbare tyrannique. Et ensuite, juste après, on va redescendre, quitter la tyrannie l'hubris pour aller en direction de la prudence avec Aristote. Venons-y quand même, la prudence est-elle l'antidote à l'hubris ou son remède? Écoutez, Eschyle d'abord, Aristote ensuite. Quoi? L'armée n'a pas pu fuir et regagner l'Asie? Une poignée à peine sur des milliers d'hommes. Si j'en crois les oracles qui se sont accomplis, les autres aussi s'accompliront sans merci. Xerxès n'a pas à espérer le retour de ses héros. Perdus en Béotie, aux berges de l'Asope, leur orgueil est puni, leur sacrilège vengé. Ils ont profané l'image des dieux grecs, incendié les temples, et détruit les autels, brisé les statues et renversé leurs socles. Ils payent pour les crimes qu'ils ont osé commettre. L'édifice du malheur n'est qu'à ses fondations. Le sang coule encore sur la terre de Grèce et des armées de morts de leur voix silencieuse dont trois générations avertiront les hommes qu'on ne doit pas rêver de destin immortel. L'orgueil a fait germer l'épi de la folie et la moisson des crimes et récolte de larmes. Souvenez-vous d'Athènes et de notre malheur, et n'abandonnez pas un bonheur impeccable en risquant un destin qui n'est pas fait pour vous. Zeus sait frapper l'orgueil de châtiments terribles. La folie de Xerxès mérite d'être punie. Son rêve sans mesure a offensé les dieux. Une façon dont nous pourrions appréhender la nature de la prudence, c'est de considérer quelles sont les personnes que nous appelons prudentes. De la vie générale, le propre d'un homme prudent, c'est d'être capable de délibérer correctement sur ce qui est bon et avantageux pour lui-même, non pas sur un point partiel, mais d'une façon générale. Quelles sortes de choses, par exemple, conduisent à la vie heureuse? Une preuve, c'est que nous appelons aussi prudents ceux qui le sont dans un domaine déterminé, quand ils calculent avec justesse en vue d'atteindre une fin particulière digne de ce prix, dans des espèces où il n'est pas question d'art. Il en résulte que, en un sens général aussi, sera un homme prudent celui qui est capable de délibération. Mais on ne délibère jamais sur les choses qui ne peuvent pas être autrement qu'elles ne sont, ni sur celle qu'il nous est impossible d'accomplir. Par conséquent, la prudence ne saurait être ni une science, ni un art. Ni une science parce que l'objet de l'action ne peut être autrement qu'il n'est, ni un art parce que le genre de l'action est autre que celui de la production. Reste donc que la prudence est une disposition, accompagnée de règles vraies, capable d'agir dans la sphère de ce qui est bon ou mauvais pour un être humain. Cette définition de la prudence, vous l'écoutez sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. C'est Aristote qui la formule, Daniel Mesguich qui la lit et Anne Mercker qui va vous l'expliquer. Bon courage à vous Anne Mercker. Déjà, la prudence, alors distinction conceptuelle quand même, c'est aussi le but de cette émission. Comment la prudence se distingue-t-elle de la modération ou de la tempérance? C'est pas la même chose. Alors, je vais répondre à votre question, évidemment, que je ne vais pas éluder. Je voudrais juste faire une petite remarque, parce que j'ai beaucoup apprécié le contraste auditif, là, et sémantique, le contenu des textes. Je voudrais vraiment attirer l'attention sur ce très caractéristique, je trouve, de la Grèce antique, à la fois cet aspect tragique extrêmement sombre. D'ailleurs, on a entendu à nouveau l'offense faite aux dieux, hein. Il y a encore le sacré et le divin, là, hein, pour caractériser l'hubris, l'hubris des Perses. C'est un truc très important. Ils avaient détruit des temples. Les Grecs ont décidé de ne pas reconstruire le temple pour bien marquer l'offense qu'ils avaient faite et pour que les dieux les vengent ensuite. Donc, il y a ce contraste, le poème de l'Iliade, qui la force, la violence, la mort en permanence, le sang qui coule, les tragédies, et la philosophie grecque qui apporte une sorte de lumière et de sérénité, qui prône l'harmonie. Et il faut bien avoir conscience que si la philosophie a à ce point centré son discours autour de l'harmonie, c'est bien parce qu'elle était à conquérir. Et il faut jamais oublier ça. C'est pas une position naïve, irénique, de philosophe dégagé des réalités, etc., un peu idéaliste, etc. Non, c'est un idéalisme, entre guillemets, si idéalisme il y a, qui a vraiment la tête plongée dans la violence d'une époque, dans ces forces sombres et obscures. Et en permanence, en tout cas moi c'est ça qui me plaît dans cette philosophie, c'est que la lumière est en permanence une conquête, et l'harmonie, la prudence, la modération, s'il y a une telle injonction, c'est parce qu'elles sont à conquérir par rapport à une expérience de l'hubris, une expérience du débordement, une expérience de la violence, une expérience de la guerre, et même des expériences de la maladie, etc. Alors chez Aristote, comme la musique l'a un petit peu mis en valeur, on se trouve tout d'un coup dans une ambiance beaucoup plus sereine, très rationnelle, où on essaye de définir, là, pour le coup, on essaye de définir la prudence en partant de la personne qui posséderait cette qualité. Et cette prudence, elle doit effectivement être pensée en lien étroit avec la modération. Je vais reprendre les termes grecs sans que ça doive effrayer quiconque, mais simplement parce que c'est plus clair. La prudence chez Aristote, c'est phronesis, que d'autres traduisent parfois par sagacité, mais on n'est pas obligé d'aimer cette traduction, donc je resterai à la traduction de la prudence. Et la modération ou tempérance, c'est la sophrosyné. On entend déjà, même quand on n'a pas fait du grec, on entend déjà qu'il y a quelque chose de commun entre phronesis et sophrosyné. Le phron, donc, voilà, le phron, qui renvoie à phrène, qui est en fait un terme homérique, et phrène, c'est juste une membrane dans le corps. Donc c'est pour vous dire que tout ça vient de loin. Et vient du corps. Et ça vient du corps, une fois de plus. Et effectivement, dans les poèmes homériques, on trouve l'idée que le siège de la pensée ou bien le siège des sentiments se trouverait à telle partie du corps, à tel endroit, etc. Et le frêne, donc ce diaphragme, hein, c'est le diaphragme, aurait été un moment dans les poèmes le siège de la pensée ou des sentiments, etc. Et puis par évolution du terme, ça a donné des dérivés. Donc la phronésie, c'est en fait cette prudence et cette capacité de bien penser, et ça se pense toujours dans un sens politique, hein. Tout est politique chez les Grecs de toute façon, et c'est la qualité de l'homme politique, ordinairement. La grande qualité de l'homme politique, c'est qu'il est sensé et qu'il donne de bons conseils à l'Assemblée, il propose de bonnes motions, de bons décrets utiles à la cité et qui vont la conduire vers la prospérité ou qui vont lui permettre de gagner la guerre, etc. Alors Aristote essaye de définir cela et il va la définir, on va dire, comme une vertu qui est intellectuelle tout en étant du domaine de l'action. Hein, dans l'action, il y a aussi de l'intelligence, hein, donc ça peut être intellectuel, mais pas contemplatif, mais bien pratique, au niveau de l'exercice de l'action. Il va tenter de la définir, mais tout en soulignant que ça ne peut pas être séparé d'une vertu éthique proprement morale. Donc la phronesis, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité à bien délibérer, c'est-à-dire à bien trouver les moyens adéquats pour viser une fin. Mais pas tout à fait n'importe quelle fin, pour viser la fin ultime, qui est finalement la fin de tout le monde, et celle après laquelle il n'y a plus d'autre fin, parce qu'elle englobe tout, c'est le bonheur, le bien-vivre, la réussite de la vie, c'est-à-dire la plénitude de notre condition humaine dans ce qu'on peut appeler ordinairement le bonheur. Donc l'homme prudent, c'est pas simplement le technicien. Le technicien qui, par exemple, le médecin qui a pour but la santé, qui va délibérer pour atteindre la santé, puis une fois qu'il a atteint la santé, en quelque sorte, il a fini son travail. Ça s'arrête là. L'homme prudent n'est pas un technicien en ce sens-là. Il est beaucoup plus englobant. Et donc, la santé peut devenir un moyen. Mais la santé, par exemple, ça peut être pas bien quand je recherchais à tout prix la santé pour quelqu'un qui, de toute façon, ne pourra pas vraiment la recouvrir, etc. Ben, peut-être que c'est pas bien. Donc, là, c'est la prudence qui prend le relais. Vous voyez qu'on a déjà quelque chose d'un petit peu plus moral ici qui entre en jeu. Donc, l'homme prudent est celui qui délibère bien sur ce qui est bon et mauvais pour l'être humain dans son ensemble et dans la perspective complète, globale, du bonheur. Mais c'est un sage. C'est une forme de sagesse pratique et non plus une sagesse théorétique, contemplative. On dit souvent que c'est une des grandes différences entre Platon et Aristote, que Aristote a clairement distingué la sagesse dans son sens pratique, qui est la phronesis, et la sagesse dans son sens contemplatif, théorique, qui est la sophia. En réalité, on peut déjà trouver des choses de ce genre chez Platon, à la fois une différenciation et une réunion des deux. Et dans le fond, si on cherche un peu, on arrivera à concilier Platon et Aristote sur ce point. C'est pas là qu'ils sont le plus en désaccord. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez que, en fait, la prudence, elle se définit quand même par rapport à une fin qui est recherchée. Et cette fin ultime, la fin de toutes les fins, c'est le bonheur. D'où la question à laquelle on peut pas échapper, c'est qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Et d'abord déterminer ce qu'est le bonheur, et ensuite effectivement le désirer, le viser. Et c'est là qu'intervient en fait la notion de modération, ou de sophrosyné, qui elle est une vertu qui, si vous me permettez l'expression, se coltine avec ce qu'il y a de plus turbulent parmi les désirs qui nous habitent, à savoir les désirs qui concernent le toucher, le sens du toucher. Donc la modération est encore plus pratique, encore plus proche du corps que la prudence. Elle est beaucoup plus proche du corps, c'est une vertu éthique. Donc autant la prudence, c'est une qualité intellectuelle, c'est une aptitude intellectuelle, et plus qu'une aptitude, c'est même une vertu, parce que c'est une aptitude excellente. Autant la sophrosyné, elle entre plus dans ce qu'il y a de non intellectuel, de non rationnel en nous, à savoir notre faculté de désirer. La modération, la sophrosyné, c'est une qualité de la faculté de désirer. La faculté de désirer, elle raisonne pas franchement par elle-même. Hein. Il faut la raisonner, mais est-ce qu'elle écoute, c'est plus difficile. Donc tout ça vient aussi de l'habitude, de l'habituation, dès l'enfance, etc. Et la modération, elle concerne, on va retrouver quelque chose dont on a déjà parlé, donc les plaisirs intimement liés au corps, c'est-à-dire en termes aristotéliciens qui, je vous le rappelle, travaillent beaucoup sur les animaux, donc sur le corps, sur la sensation, les différents types de sensations, ça concerne le sens du toucher. Aristote nous dit le toucher est le sens le plus corporel. Et de fait, si vous regardez, c'est le seul sens qui couvre la totalité de notre corps. Nous n'avons pas de la vision dans la totalité de notre corps, juste les yeux. Imaginez si chaque millimètre de notre corps pouvait voir. C'est pas le cas. Vous pouvez avoir de l'odorat ou de l'audition, etc. C'est pas le cas. Alors que chaque millimètre de notre corps, j'exclus les cheveux et choses comme ça, chaque millimètre de notre corps a une sensation tactile. Donc le tact, le toucher, c'est le sens le plus corporel. Eh bien, la modération concerne ce sens corporel. Et dans le sens corporel, vous avez le sens du goût, qui est une variation du sens corporel. Donc la nourriture, donc le vin, donc l'ivresse. Donc la modération porte là-dessus. L'ivresse qui est une des sources de débordement classiques chez les êtres humains. Mais vous avez aussi, évidemment, le plaisir sexuel. Le plaisir sexuel dont Platon a bien montré à quel point c'était lui, finalement, qui avait la capacité de tout réorganiser autour de lui et de provoquer l'hubris. Et donc, et chez Aristote, la modération, elle touche aussi, et peut-être d'abord, ce plaisir sexuel, cette aptitude à éprouver le plaisir sexuel. Et la modération est une vertu acquise par l'habitude, par la répétition, mais qui est pensée comme telle, de sorte, non pas à viser une frigidité, un rejet du plaisir sexuel, un rejet du plaisir qui est de l'ordre de la nourriture ou du vin, etc. Mais à viser, à désirer, d'un désir qui devient spontané, mais la spontanéité est acquise, donc à désirer la bonne mesure, qui est mesure médiété moyenne entre le défaut, c'est-à-dire le pas assez, et le trop, c'est-à-dire l'excès. Eh bien, on terminera cette série sur l'excès avec un appel à la modération sexuelle lancé par Aristote. Merci beaucoup, Anne Merker. C'est Jacques Higelin qui donne la dernière note. Les matins clairs, quand les fées nourricières font danser leurs tapis sur le rebord des balcons fleuris, les bras ouverts, le front auréolé d'un rayon de lumière, je rêve au fond de mon lit. L'odeur du café noir, du pain grillé réveille au fond de ma mémoire l'image d'un bonheur léger, léger. Ventre affamé, je bondis comme un fou, plonger mes crocs dans les tartines et dans le cou de la voisine affolée. Accès à tout, excès de zèle, je me prends les pieds dans sa poubelle et me retrouve sur ses genoux, les doigts plongés dans l'eau qui boue. Ah, mais vous êtes fous. Oh oui, surtout sur France Culture. Merci encore Anne Merker d'être venue nous parler ce matin de l'hubris dans l'Antiquité. C'est un plaisir. Quel programme, et vous l'avez accompli à merveille. On peut lire de vous par exemple Aristote, une philosophie pour la vie qu'on trouve aux éditions Ellipse, une morale pour les mortels, l'éthique de Platon et d'Aristote aux éditions Les Belles Lettres, et puis sont en train de paraître toujours aux Belles Lettres des traductions des cours de Nietzsche sur l'Antiquité, c'est ça, sur Aristote? Oui, alors oui, enfin, un volume sur de cours sur Platon et un volume de cours sur la rhétorique. Et là, il y a aussi du Aristote, mais pas seulement du Aristote. Très bien. Eh bien, on vous lira attentivement sur France Culture, Les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez de danse. Et plus précisément de ce qui se passe quand on se met à danser. Il y a quelques semaines, une vidéo a beaucoup tourné sur les réseaux. On y voyait Cédric Villani, le scientifique politicien, député et candidat pour la mairie de Paris, y danser. En pleine rue, en plein jour, accompagné de son équipe de campagne, lavalière et araignée accrochée à sa veste, le surdoué des mathématiques s'est déhanché sur cette chanson-là. Pour aller danser le jerk. Vous

On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui, chaque semaine, donne la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie de la philosophe du corps et des sexes, Sylviane Agazinski. D'ici là, pour réécouter cette émission et cette série sur l'excès, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster, sans modération, pour l'écouter à volonté, où vous voulez, avec qui vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux. L'équipe des chemins anime un compte sur Twitter, Facebook et Instagram. Et oui, les trois, on vous attend et on répondra à vos remarques et à vos commentaires. N'oubliez pas aussi, puisque vous demandez souvent, vous êtes nombreux à demander les références des extraits diffusés, ils sont tous mis en ligne sur le site de l'émission grâce à Anaïs Isbert. À demain donc, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.